me dis si je te prête ma main, tu ne vas pas la couper. Qui me dit si je te prête ma bouche, tu ne vas pas la fermer. Qui me dit que si je te prête mon âme, tu ne vas pas la condamner. Si je te dis que je te prête mon cœur, vas-tu l'arrêter? Tu m'as fait tellement de peine quand t'es parti avec Solène. Tu m'as laissé à la traîne. Je joue à contenir ma haine. Tu m'as fait tellement de peine quand t'es parti avec Solène. Je ne trouve plus le sommeil. Mes larmes éteignent le soleil. Mes larmes éteignent le soleil qui fume en brumant le ciel. Je suis des nuages prisonniers, sur ma peau glisse le ciel glacé. Tu m'as fait tellement de peine quand t'es parti avec Solène. Tu m'as laissé à la traîne. Je joue à contenir ma haine. Tu m'as fait tellement de peine quand tu es parti avec Solène. Je ne trouve plus le sommeil. Mes larmes éteignent le soleil. Mes larmes éteignent le soleil.